إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ويقول الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر il dit ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Car Allah subhanahu wa ta'ala pardonne tous les péchés. Et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Et dans un autre verset, dans la même sourate, il dit « Revenez repentant à votre Seigneur et soumettez-vous à lui avant que ne vous vienne le châtiment » et vous ne recevrez alors aucun secours. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi al-hadith al-qudsi ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala, prophète sallallahu alayhi wa sallam relate que Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le hadith divin: ô mes serviteurs, vous commettez des erreurs de jour et de nuit et moi je pardonne tous les péchés. فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ. Implorez mon pardon et je vous pardonnerai. يَا عِبَادِي إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ. Ô mes serviteurs, ce sont uniquement vos œuvres que je répertorie pour vous. ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إِيَّاهَا. Ensuite je vous en récompenserai en bien ou en mal. فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Celui qui trouve le bien parmi ses œuvres, et bien qu'il remercie et qu'il loue Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ. Et celui qui trouve autre que cela, c'est-à-dire les mauvaises actions et les mauvaises œuvres, et bien qu'il ne s'en prenne qu'à sa propre personne. فَمَوْضُعُنَا فِي هَذِهِ اللَّيْلَ بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى هِيَا أو هو الاستغفار وفضله وأسبابه بإذن الله تعالى. Notre sujet ce soir, ce sera concernant eh bien, la demande de pardon et ses mérites et également ses causes. Awalan, fadlul maghfira. Première des choses qu'on va aborder, c'est le mérite du pardon. Maghfiratu dhunub, ayyuhal afadil, sifatun min sifatillahi subhanahu wa ta'ala. Il faut savoir que le fait de pardonner les péchés, eh bien, c'est un des attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisqu'Allah azza wa jal pardonne les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-ghafuru dhu-rahma. Allah azza wa jal, c'est lui le pardonneur qui possède la miséricorde. Wa huwa azza wa jal ghafiru dhamm, comme جاء في سورة غافر. Et Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses attributs, il pardonne les péchés. Allah azza wa jal qabilu at-tawb. Et parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'accueillant au repentir. وهو سبحانه وتعالى واسع المغفرة. Et parmi ses attributs, c'est qu'il est immense en pardon. وهو العزيز الغفار également parmi ses attributs تبارك وتعالى et ses noms le puissant et le grand pardonneur ومما يدل على فضل المغفرة دعوة الله عز وجل إلى المغفرة دعوة الله سبحانه وتعالى إلى المغفرة دليل على فضلها ce qui prouve eh bien le mérite du pardon c'est que le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il appelle les gens à implorer son pardon, ça prouve juste ses mérites. Ça prouve justement les mérites du pardon. Faqad da'a Allah subhanahu wa ta'ala ila al-jannah. Allah subhanahu wa ta'ala il appelle et il invite au paradis. Dans de nombreux versets, Allah subhanahu wa ta'ala il invite ses serviteurs au paradis. Wa da'a kadhalika ila al-maghfira. Et également Allah azza wa jal dans le Coran, il invite à quoi ? À implorer son pardon. Bel amarana bil musara'ati wa al musabaqati ilayhima. Plus encore, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ordonne de nous hâter et de concourir justement au pardon et au paradis. Faqala subhanahu wa ta'ala sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. وجنة عرضها السماوات والأرض ويقول الله عز وجل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض كما جاء في سورة الحديد وفي سورة آل عمران الله سبحانه وتعالى il nous dit dans le Coran hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un paradis aussi large que le ciel et la terre. Et dans un autre verset, il dit « Et concourez au pardon de votre Seigneur et à un jardin large comme les cieux et la terre préparée pour les pieux. »« وَكَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْمَغْفِرَةِ دَعْوَةُ الْأَنْبِيَا دَعْوَةُ لِلْمَغْفِرَةِ » La prédication des prophètes et des messagers était une invitation à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça prouve le mérite de l'istighfar, du fait d'implorer et de demander pardon à Allah azza wa jal. Faqala ta'ala an Nuh wa inni kullama da'awtuhum li taghfir lahum. Nuh, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit chaque fois que je les ai appelés pour que tu leur pardonnes. Pour que tu leur pardonnes, il a invité son peuple Nuh à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur pardonne. وقال سبحانه وتعالى عن هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. Allah Azza wa Jal, il nous informe de ce que Hud a dit à son peuple. Il leur a dit oh mon peuple, implorez le pardon de votre Seigneur et revenez repentant à lui. وقال عز وجل عن صالح قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. Également Allah Azza wa Jalla nous relate les paroles de Salih à son peuple. Quand Allah Azza wa Jalla ou quand Salih leur a dit oh mon peuple, pourquoi cherchez-vous à hâter le mal plutôt que le bien? Si seulement vous demandiez pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, si seulement vous imploriez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala an Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyina fa qala wa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi. Et Allah azza wa jal nous informe des paroles de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à sa communauté. Il leur a dit demandez pardon à votre Seigneur et ensuite revenez à lui. De là on voit que la prédication des prophètes et des messagers était une invitation à implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos fautes, nos erreurs et nos péchés. Et ça montre son mérite et son bienfait. وَكَذَلِكَ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى فَضْلِ الْإِسْتِغْفَارِ حِرْمَانُ الشَّيْطَانِ مِنَ الْمَغْفِرَةِ وَالْإِنْعَامُ عَلَى بَنِي آدَمَ بِمَا بِهَا دَلِيلٌ عَلَى فضلي الاستغفار. Le fait que le diable, le shaitan, a été privé du pardon. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait gratifié de ce pardon l'enfant d'Adam, prouve le mérite de l'istighfar. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسند الإمام أحمد رحمه الله وهو في صحيح الجامع فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. Rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et le hadith il est authentique, que le diable a dit, regardez qu'est-ce qu'il a dit, le diable a dit par ta puissance ô Seigneur, wa izzatika, et là il jure, wa izzatika ya Rab, par ta puissance ô Seigneur, je ne cesserai de tourmenter et d'égarer tes serviteurs tant que leur âme ou leurs âmes est dans leur corps. فقال الرب تبارك وتعالى يا الله عز وجل بيغيبون فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي. Regardez ce hadith, subhanallah. Allah عز وجل il dit, il répond, il jure, وعزتي, par ma puissance et par ma magnificence, لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. Il dit, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils imploreront mon pardon. Le shaitan, il a beau vouloir égarer et nous faire tomber dans les péchés, tant que l'insan, il demande, il implore le pardon de son Seigneur, tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal, il lui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala, il lui pardonne. Et ça, ça prouve le bienfait du pardon. Wa kadhalika tashilullah Azza wa Jal, at-tawbata li ummati Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce qui prouve le mérite et les bienfaits du pardon, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité le repentir à la communauté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam Muhammad. Pourquoi je dis ça? Est-ce que vous savez quelle était la manière de se repentir des enfants d'Israël? Hein? Vous savez ou pas? C'est mentionné dans le Coran. Naam. Fabanu Israël, كانت توبتهم بقتل أنفسهم. Les enfants d'Israël, leur tauba c'était quoi? C'était de se tuer. Hein? Allah Azza wa Jal, il dit dans le Coran, وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ça c'était une des conditions du repentir des enfants d'Israël. Allah Azza wa Jalla dit, et rappelez-vous lorsque Moussa dit à son peuple, ô mon peuple, vous êtes fait du tort certainement à vous-même en prenant quoi? Le veau pour idole. Revenez à votre créateur, allez repentez-vous, puis tuez les coupables vous-même. Ça c'était une des conditions. De quoi? De le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a facilité le repentir à cette communauté, la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ma ummatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, fannadamu ala fi'lil ma'asiyah tawbah. Quant à la communauté de Muhammad alayhi salatu wa sallam, le regret après avoir fait un péché, eh bien c'est considéré comme un repentir. Regardez la facilité. Comment eh bien c'était chez les peuples précédents et antérieurs, et comment Allah Azza wa Jalla l'a facilité à cette communauté. Comme a dit le hadith, an-nadamu tawbatun. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le regret est un repentir. Le regret est un repentir. De là on voit la facilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette communauté et le bienfait énorme dont Allah subhanahu wa ta'ala a gratifié la communauté du meilleur des prophètes Muhammad alayhi salatu wa salam. Wa kadhalika su'al al-anbiya al-maghfirah. Hada yadullu ala fadliha. Également le fait que les prophètes et les messagers demandent le pardon, ça prouve les mérites du pardon. فقال الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب أكثر العلماء أو أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر. شيخ الإسلام qu'est-ce qu'il dit? Il dit que la plupart des savants de l'islam ainsi que tous les groupes sont d'avis que les prophètes sont épargnés des grands péchés, mais pas des petits péchés. فقال سبحانه وتعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل qu'est-ce qu'il dit? Afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs. Ici, les péchés, ce qui est voulu, c'est les petits péchés, pas les grands. Il est connu que les prophètes et les messagers, et les gens de l'islam, et les savants de l'islam sont la plupart unanimes quant au fait de dire que les prophètes et les messagers ne commettaient pas de grands péchés. Mais, ils n'étaient pas à l'abri des petits péchés. Et c'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'Allah te pardonne tes péchés, yani tes petits péchés, au toi et à Muhammad, passé et futur, et qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite. وكذا دعاء الأنبياء وطلبهم للمغفرة من الله عز وجل. Et également, eh bien, on voit que les prophètes et les messagers, eh bien, demandaient et imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah azza wa jal. Et le fait que les prophètes et les messagers implorent le pardon d'Allah azza wa jal, ça prouve les mérites et les bienfaits du pardon. وكذلك شغل الصالحين استغفار عقيب الطاعات في كل حين. Et ce qui prouve également le bienfait du pardon, c'est que les pieux, eh bien, le pardon était leur préoccupation. Et ils imploraient le pardon de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala, après quoi? Après, eh bien, les obéissances. Et ceci, à n'importe quel moment. À partir du moment où ils ont fait une obéissance, et eh bien ensuite, ils implorent le pardon de leur Seigneur, tabaraka wa ta'ala. فقال ابن القيم رحمه الله وأرباب العزائم والبصائر أشد ما يكونون استغفارا عقيب الطاعات. L'imam al-Qayyim رحمه الله, il dit que ceux qui sont doués de fermeté et de raison, ce sont les gens qui étaient, eh bien, les plus assidus à implorer le pardon d'Allah Azza wa Jal après avoir fait une obéissance. Pourquoi? لشهودهم تقصيرهم فيها. Pourquoi? Parce que ils attestent qu'ils ont des manquements dans l'accomplissement des obéissances. وترك القيام لله عز وجل بها كما يليق بجلاله تبارك وتعالى. Également parce qu'ils savent, hein, qu'ils ne l'ont pas accompli cette obéissance de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils imploraient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala justement pour qu'il leur pardonne ce manquement et pour qu'il leur pardonne également le fait qu'ils ne l'aient pas accompli de la manière qui sied à leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Faqala azza wa jal wal mustaghfirina bil ashar. Et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Wa fi sahih anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Et peut-être que beaucoup de personnes ne connaissent pas cette sunna. Il est rapporté dans Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam kana idha sallama min as-salah istaghfara thalatha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il saluait après la prière, il demandait trois fois pardon. Hein? Il demandait trois fois pardon à Allah Azza wa Jalla. Il dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Taïb. Pourquoi? Et ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que le pieux, il sait qu'il a des manquements dans l'accomplissement de son adoration. Et il sait qu'il n'a pas fait la prière comme il sied. à son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et également, et ça beaucoup ne le savent pas, hein, c'est une sunna que beaucoup de gens ne connaissent pas, fi khatimatil wudu, à la fin des ablutions. كان يقول بعد فراغه من الوضوء عليه الصلاة والسلام après les ablutions, quand il termine les ablutions, le prophète صلى الله عليه وسلم il disait سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك. Qui connaissait cette sunna? Hein? Levez la main. Le prophète صلى الله عليه وسلم il demandait, il disait cette invocation qu'on fait quand on se sépare, ou à la fin d'une assemblée, hein? Eh bien, il faisait la même invocation quand il terminait les ablutions, qui est une obéissance et une adoration qui est due à Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana yaqul, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka. Kana yastaghfirullah azza wa jal. Kana yastaghfirullah subhanahu wa ta'ala, littaqsir, wa litarki al-qiyami lillahi azza wa jal. بهذه العبادة كما يليق بجلال المولى تبارك وتعالى. ثانيا أحوال الاستغفار. Après avoir vu les mérites, hein, du pardon, on va voir les situations, hein, dans lesquelles, eh bien, on implore le pardon d'Allah سبحانه وتعالى. الاستغفار أولا هو طلب المغفرة من الله عز وجل. الاستغفار c'est le fait de demander le pardon d'Allah سبحانه وتعالى. واعتراف بالذنب والتقصير. Et c'est le fait de reconnaître également le péché et le manquement qu'on a commis. ويشرع في أحوال ومواضع منها. Et c'est ce pardon, il est légiféré dans certaines situations et à certains moments. Et parmi ces moments, أولا عند الذنب. Premièrement, lorsque la personne elle commet un péché, obligatoirement elle doit implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa huna i'tiraf bidhanb. Et si tu demandes pardon, eh bien, c'est que tu reconnais que tu as fait quelque chose de mal et que tu as commis un péché si tu demandes pardon. N'est-ce pas? Wa su'alu Allah 'azza wa jall an yamhuwa atharah. Et là, quand tu demandes pardon, eh bien, c'est comme si tu demandais à Allah subhanahu wa ta'ala d'effacer les traces de cette erreur et de cette faute commise et de ce péché. وحين عصى آدم ربه قال قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Et lorsque Adam عليه السلام a imploré le pardon a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Qala, ici lui et son épouse, ils ont dit, Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Donc là, ils ont reconnu leur faute et leur erreur. Et si tu ne nous pardonnes pas, hein, donc on en déduit que ils ont donc reconnu l'erreur et on en déduit qu'ils ont imploré le pardon de leur Seigneur tabaraka wa ta'ala. Et que tu ne nous fais pas miséricorde, nous serons certes du nombre des perdants. Donc le fait d'implorer le pardon, c'est de reconnaître la faute. Hein? Et le pardon, il est légiféré lorsque on commet une faute, un péché ou une erreur. وَحِينَ قَتَلَ مُوسَى رَجُلًا. Et lorsque Moussa, il a tué un homme parmi le peuple de Pharaon. فَقَالَ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي. هذا اعتراف. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. موسى qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même, pardonne-moi. Donc il a reconnu et ensuite il a imploré le pardon de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. فغفر له. Allah Azza wa Jal, il lui a pardonné et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. وقال سبحانه وتعالى ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. الله عز وجل في سوره النساء il dit, celui qui fait une mauvaise action ou qui se fait du tort à lui-même ensuite implore le pardon d'Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire qu'il a reconnu son erreur et son tort et son péché et sa faute, et qu'ensuite implore le pardon d'Allah Azza wa Jal, il trouvera certes Allah subhanahu wa ta'ala pardonneur et très miséricordieux. Et très miséricordieux. C'est pour cette raison qu'Allah Azza wa Jal, il dit dans le premier verset qu'on a lu, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Allah Azza wa Jal, il dit, dis à mes serviteurs qui se sont fait du tort à eux-mêmes de ne pas désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Peu importe le péché que tu as fait. À partir du moment où tu implores le pardon d'Allah Azza wa Jal et que tu te repens, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il te pardonne. Et on va le voir, bi'idhnillah ta'ala. وفي الصحيحين والفوار جوست لا واسكو دون لي دو اوثنتيك من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا صلى الله عليه وسلم il dit un homme ayant commis un péché s'est écrié فقال يا ربي اذنبت Ya Rabbi Aznabtu. Donc cet homme qui a commis un péché, il s'est écrit, il a dit au Seigneur, j'ai fait un péché. J'ai fait un péché. Farfirli. Farfirli. Donc cet homme, il a dit, pardonne-moi. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Son Seigneur a répondu, Faqala Rabbuhu Tabaraka wa Ta'ala. A'alima abdi anna lahu rabban. يغفر الذنوب أو يغفر الذنب ويأخذ به. Qu'est-ce qu'il dit Allah Azza wa Jal? Ici il dit, puisque cet homme sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les fautes et qui les punit également, ghafartu li abdi, je pardonne à mon serviteur. Puisque ce serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les fautes et qui les punit. Et comment il a su? Parce qu'il a imploré le pardon d'Allah Azza wa Jal. Il a dit, Farfirli. Il a demandé à Allah Azza wa Jal de lui pardonner. Donc il a reconnu qu'il a un péché. Et il a reconnu également qu'il a un Seigneur subhanahu wa ta'ala qui pardonne ses péchés et également qui punit ce péché si tu n'implores pas son pardon. Donc Allah Azza wa Jal dit, Ghafartu li abdi. Ghafartu li abdi. Je pardonne à mon serviteur. Et donc il a fait ça une deuxième fois. Seigneur, j'ai commis un péché. Pardonne-moi. Et Allah Azza wa Jal a dit la même chose. Troisième fois. Oh Seigneur, j'ai fait une faute, une erreur, un péché. Pardonne-moi. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, puisque mon serviteur sait qu'il a un Seigneur qui pardonne les péchés et qui punit, Je pardonne à mon serviteur. Et après la troisième fois, Allah Azza wa Jal قال فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ, qu'il fasse ce qu'il voudra. À partir du moment où est-ce que la personne elle se repent, bien bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, Allah Azza wa Jal pardonne le péché et pardonne l'erreur. Le principal, eh bien, c'est de se repentir. ثانياً بعد الطاعة, بعد الطاعة. Également, les situations dans lesquelles, eh bien, il est légiféré d'implorer le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est après l'obéissance. Après l'obéissance. Quel istighfar, مثلاً ثلاثاً بعد الصلاة. Comme le fait, eh bien, de demander et d'implorer le pardon trois fois après la prière. Astaghfirullah, astaghfirullah. Le hadith rawahu Muslim. وبعد الفراغ من الوضوء كما قلنا يا أبخي الوضوء سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وهكذا après les obéissances il est légiféré et bien de demander pardon. ثالثا في كل وقت وحين. Troisièmement et bien à n'importe quel moment. À n'importe quel moment il est légiféré d'implorer le pardon بالله سبحانه وتعالى عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ابن عمر رضي الله عنه il rapporte que il disait يعني que nous dénombrions pour le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dans une seule assise 100 fois le fait de dire ô Seigneur pardonne-moi, accepte mon repentir, car c'est toi eh bien, qui acceptes le repentir et le très miséricordieux. 100 fois. Et ça, c'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui disait ça 100 fois. Dans une version 70, plus de 70 fois. Et dans une version 100 fois. Dans une seule assemblée. Et ça, c'est le prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de quel Allah, azza wa jalla, a dit « لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرْ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا » Au sujet duquel Allah, azza wa jalla, il dit « Afin qu'il te pardonne tes péchés passés et futurs. » Allah, azza wa jalla, il a pardonné ses péchés. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se levait la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendent. Et Aïcha radiallahu anha, elle lui disait, Ya Rasulallah, pourquoi tu fais cela alors qu'Allah Azza wa Jal t'a pardonné tes péchés futurs et antérieurs? Faqala laha fala akunu abdan shakura. Pourquoi ne pourrais-je pas être un serviteur reconnaissant pour ses bienfaits, pour ce bienfait qu'il m'a octroyé, le fait de me pardonner? Et malgré ça, eh bien, il implorait le pardon de son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala dans une seule assise, 100 fois. Comme c'est rapporté par Ibn Umar رضي الله عنه وارضاه وكذلك حديث سيد الاستغفار الذي جاء عند البخاري فقال أو من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو min ahlil jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, concernant la formule maîtresse pour demander pardon, la formule maîtresse pour demander pardon, Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika ma istata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika wa abu'u laka bi dhanbi فَغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ. Hein? Celui qui dit cela, hein? Celui qui prononce ces mots, comme c'est mentionné dans le hadith, avec conviction, au cours de la journée, et qui mourra le même jour, avant la nuit, sera du nombre des gens du paradis, comme a parlé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et quiconque aura prononcé ces mots avec conviction au cours de la nuit, et qui mourra avant le jour, ou avant que le jour ne se lève, sera du nombre des gens du paradis. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe, le hadith sahih, Sayyidul Istighfar, c'est ça, Sayyidul Istighfar, il y a la formule maîtresse de la demande de pardon, c'est ça. C'est au Seigneur, ô Allah, yani, tu es mon Seigneur, et il n'y a de divinité que toi. Tu m'as créé, et je suis ton adorateur, et je serai fidèle à ton pacte et ta promesse autant que je le peux. Je me réfugie auprès de toi contre le mal que j'ai fait et je reconnais les faveurs dont tu m'as gratifié. Et je reconnais mon péché, pardonne-moi, car nul ne pardonne les péchés. Ça, c'est la formule maîtresse de la demande de pardon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'apprend. Il nous l'enseigne, à nous, eh bien, de la dire. Parce que celui, comme il est mentionné, qui prononce ces mots avec conviction au cours de la journée et qui meurt avant que la journée ne finisse, il est des gens du paradis. Celui qui la prononce la nuit avec conviction et qui meurt avant que le jour ne se lève, il fait partie des gens du paradis. Regardez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs et les facilités qu'Allah azza wa jal nous donne par l'intermédiaire de notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il n'y a pas un bien sans qu'il nous l'ait montré. Il n'y a pas un mal sans qu'il nous ait averti contre ce mal. Et nous, malheureusement, on est distrait quant à ces formulations, à ces adhkars. Ils peuvent bien faire en sorte d'être une cause de nous faire entrer quoi ? Au paradis. Quelques mots. Quelques mots que tu dis avec conviction, bi'idnillahi ta'ala, et Allah Azza wa Jal, il fait en sorte que tu sois, eh bien, parmi les gens du paradis. Hada fadlun azim, ya ikhwa. Ça, c'est un grand bienfait. À nous d'être assidus et de ne pas être négligents et d'apprendre notre religion. On fait le hadith. Man ahabba an tasurruhu sahifatuhu falyukthir fiha min al-istighfar. Également dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui souhaite que son feuillet, son registre, le jour de la résurrection, on le réjouisse, qu'il multiplie la demande de pardon. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. وفي الحديث الصحيح طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Dans un autre hadith qui est authentique également, صحيح الجامع, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit: miséricorde à celui qui trouvera dans son registre de nombreuses demandes de pardon. Bonne nouvelle à celui qui trouvera dans son registre de nombreuses demandes de pardon. Faqala Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, l'istighfar yukhrij al-'abda min al-fi'l al-makruh ila al-fi'l al-mahboub. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, regardez cette parole. Il dit que la demande de pardon, elle fait sortir le serviteur de l'acte détestable à l'acte aimé, l'acte détestable, le péché. Ensuite, tu demandes pardon à Allah Azza wa Jal, et cette demande de pardon, elle te fait rentrer dans l'acte aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il aime ceux qui implorent le pardon. فَإِنَّ الْعَابِدَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ يَحْتَاجُ إِلَى الْإِسْتِغْفَارِ أَنَاءَ اللَّيْلِ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ. Et il dit, l'adorateur qui adore Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a besoin de la demande de pardon pendant la nuit et aux extrémités du jour. بَلْ هُوَ مُفْطَرٌ إِلَيْهِ دَائِمًا فِي الْأَقْوَالِ وَالْأَحْوَالِ. Et plus encore, il en est contraint, il est contraint, il est obligé, eh bien, d'utiliser cette demande de pardon tout le temps dans ses paroles et dans chaque situation. فِي الْرَوَائِبِ وَالْمَشَاهِدِ. En absence, qu'il soit absent ou qu'il soit présent. لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَصَالِحِ. Car il y a beaucoup d'utilité. Dans quoi ? Dans la demande de pardon. Et il y a dans la demande de pardon, eh bien, la demande de pardon attire les bienfaits et repousse les mauvaises choses et les choses qui sont néfastes. Troisièmement, quelles sont les causes pour le pardon ? هناك أسباب كثيرة لمغفرة الذنوب. Il y a ici de nombreuses causes, de nombreuses causes pour, eh bien, qu'on te pardonne tes péchés. منها ما يكون سببا لتكفير الذنوب المتقدمة والمتأخرة. Parmi ces causes, il y a des causes qui sont une cause d'expiation des péchés passés et futurs, ensemble, avant et après. وذكر كثيرا منها الإمام الحافظ ابن حجر. الإمام ابن حجر, il en évoque de nombreuses dans son livre, معرفة الخصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة. ومنها ما يكون سببا لتكفير الذنوب المتقدمة. Et parmi ces causes, il y a des causes qui sont une cause justement pour expier les péchés passés seulement. ومنها موجب لدخول الجنة. Et parmi les causes, il y a des causes qui sont une cause qui rend obligatoire l'entrée au paradis. أو أسباب لعتق العبد وتحريمه على النار. Il y a des causes qui sont une cause qu'Allah Azza wa Jal épargne son serviteur l'interdit d'entrer au feu. ومنها أسباب لتكفير الكبائر والصغائر معا. Et il y a des causes également qui sont des causes qui expient les péchés majeurs et mineurs ensemble. ومنها ما هو خاص لتكفير الصغائر فقط. Et il y a des causes qui sont des causes qui sont spécifiques à expier les péchés mineurs seulement. وأهم الأسباب والخصال المكفرة للذنوب إسباغ الوضوء أولا. Et parmi les plus importantes causes qui expient les péchés, la première des choses, c'est quoi? C'est le fait d'accomplir parfaitement les ablutions. فقال صلى الله عليه وسلم من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. Prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est le hadith qui est rapporté par Uthman رضي الله عنه وأرضاه. Il a dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, celui qui fait ses ablutions comme ça, comme Uthman l'a fait, hein? Ensuite qui sort à la mosquée, hein, sans autre motivation autre que la salat, la seule chose qui le pousse à la mosquée, c'est la prière, et à sortir, c'est la prière, il lui sera pardonné ses péchés passés. وقال صلى الله عليه وسلم من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما قدم من عمل. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, celui qui fait ses ablutions comme il lui a été ordonné et qui prie comme il lui a été ordonné, il lui sera pardonné ses œuvres passées. Vous voyez les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Juste les ablutions. Les ablutions, tu fais juste les ablutions. Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. Tu pries comme Allah azza wa jal t'a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes œuvres passées. Tu fais les ablutions comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu sors à la mosquée sans autre motivation que la prière, et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. Vous voyez le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses serviteurs. فنكتفي بهذا القدر إن شاء الله. On va s'arrêter là بإذن الله تعالى, car c'est l'heure de l'adhan. On continuera demain بإذن الله, on terminera demain بحول الله تعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للمغفرة والتوبة, إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله, وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. أما بعد, فنواصل حديثنا عن الاستغفار وفضله وأسبابه. Donc on continue بإذن الله تعالى notre sujet concernant l'istighfar, le pardon, ainsi que ses mérites et ses causes. Et on avait commencé hier par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, et on s'était arrêté aux causes du pardon. On s'était arrêté aux causes du pardon. Asbab al-maghfira. Hunaka asbab. Wa qulna anna hunaka asbab kathira li maghfirati dhunub. On avait dit qu'il y avait de nombreuses causes pour qu'Allah azza wa jal pardonne les péchés. Parmi ces causes, il y en a qui sont justement des causes d'expiation des péchés passés et futurs. Il y a des choses qui font que Allah tabaraka wa ta'ala nous pardonne nos péchés passés et également ceux qui vont arriver, hein, passés et futurs ensemble. Et comme on avait dit, l'imam al-Hafidh ibn Hajar, dans un de ses livres, il en évoque, hein, beaucoup, beaucoup de ces causes. Et parmi les causes, il y a certaines choses qui font ou qui font que Allah tabaraka wa ta'ala expie les péchés qui sont passés. Hein? Et parmi ces causes, il y a des choses qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, fait que Allah azza wa jal fera en sorte qu'il sera obligatoire d'entrer au paradis. Ou Allah azza wa jal fera qu'il t'épargnera, eh bien, du feu de l'enfer. Et il fera que le feu et l'enfer sera interdit pour toi. Et on avait dit que parmi les plus importantes causes qui effacent les péchés et qui expient les péchés, isbar ul wudu, le fait d'accomplir parfaitement les ablutions. Faqala sallallahu alayhi wa sallam fi hadith alladhi rawahu muslim, man tawadda'a hakadha ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة غفر له ما خلا من ذنبه. Dans le hadith qui est rapporté par Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui accomplit ses ablutions comme ceci, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ensuite qu'il sort à la mosquée sans motivation autre que la prière, celui-là, eh bien, ses péchés passés seront pardonnés. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam, man tawadda'a kama umir wa salla kama umir ghufira lahu ma qaddama min 'amal. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui fait ou accomplit ses ablutions comme il lui a été ordonné et qui prie comme il lui a été ordonné. Donc ici deux conditions. Tu dois faire tes ablutions comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu dois prier comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il te sera pardonné tes œuvres passées. Il te sera pardonné tes œuvres passées. Juste en faisant les ablutions comme le prophète et la prière comme le prophète, alayhi salatu wa sallam. Wa qala alayhi salatu wa sallam, idha tawadda'a ar-rajulul muslim, kharajat khatayahu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlayhi, fa in qa'ada قعد مغفورا له كما جاء عند في المسند للإمام أحمد الحديث حسنه الألباني رحمه الله. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم il dit, si l'homme musulman, et là ça englobe l'homme et la femme bien entendu, si l'homme musulman accomplit les ablutions, ses péchés et ses erreurs sortiront de son ouïe, de sa vue, de ses mains et de ses pieds. Et s'il s'assied, il s'assiera, hein, pardonné. Allah Azza wa Jal lui pardonnera. Regardez le bienfait de juste faire les ablutions. Et les ablutions, le fait de les faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une des plus importantes causes qui fait qu'Allah Azza wa Jal expie et te pardonne tes péchés. Juste les ablutions. Juste les ablutions. فقال ابن حجر عن الوضوء ومغفرته للذنوب فقال ظاهره ظاهره يعني ظاهر الوضوء يعم الكبائر والصغائر. Il dit, الحافظ ابن حجر, concernant les ablutions et le fait qu'il pardonne, ou que c'est une cause de pardon des péchés, il dit, ce qui apparaît des hadiths qui sont rapportés concernant l'ovo, c'est que le pardon englobe les péchés majeurs et les péchés mineurs. ولكن العلماء خصوه بالصغائر لوروده مقيدا بالاستثناء أو باستثناء الكبائر في هذه الرواية. Et il dit, mais les savants l'attribuent au péché mineur. Pourquoi ? Car dans certains ou dans certaines versions, le hadith arrive limité concernant les péchés mineurs. Concernant les péchés mineurs. وكذلك من أسباب مغفرة الذنوب صيام رمضان إيمانا واحتسابا. إيمانا واحتسابا. Parmi également les causes qui font que Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés et expie tes péchés, le fait de jeûner le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. En fait, صلى الله عليه وسلم il dit, celui qui jeûne le mois du Ramadan avec foi et en espérant la récompense d'Allah Azza wa Jal, il lui sera pardonné ses péchés antérieurs. Ses péchés antérieurs, ses petits péchés. وقيامه كذلك وقيام ليلة القدر كذلك لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Donc de là pareil, celui qui se lève la nuit pour prier lors du mois du Ramadan, il lui sera pardonné ses péchés précédents, antérieurs. Et pareil pour la nuit du destin, Laylat al-Qadr. وكذلك من الأسباب التي تكفر السيئات والذنوب الحمد عقب الأكل واللبس. الحمد عقب الأكل واللبس. Le fait de louer Allah subhanahu wa ta'ala après manger et après s'habiller, eh bien ça fait que Allah azza wa jal pardonne tes péchés. Allah subhanahu wa ta'ala, juste tu manges et tu le loues, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Tu t'habilles et tu loues Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal, il te pardonne tes péchés. An Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam قال من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلهذا الإنسان لابد أن يتعلم هذا الدعاء لأنه دعاء عظيم. الله سبحانه وتعالى عندما تقول هذا الدعاء الله تبارك وتعالى يغفر لك ما تقدم من ذنبك. Prophète صلى الله عليه وسلم d'après معاذ بن أنس رضي الله عنه Prophète صلى الله عليه وسلم il dit celui qui mange de la nourriture un repas ensuite il dit الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة يعني louange à Allah toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a gratifier cette nourriture et qui me l'a octroyé sans aucune puissance ou capacité de ma part, et bien Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne ses péchés antérieurs. Juste lui dit ça. وَمَنْ لَبِسَ ثَوْبًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبُ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ. Et celui, ensuite dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'habille, qui met et enfile un vêtement, ensuite il dit, Alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb wa razaqani min ghayri hawlin minni wa la quwwa, Allah azza wa jal lui pardonne ses péchés antérieurs et futurs. Juste tu t'habilles. Juste tu t'habilles. Tu n'as pas besoin de faire grand chose. Juste tu enfiles ton vêtement et tu dis ces quelques paroles qui ne durent même pas 3 secondes. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il pardonne tes péchés. وَمَنْ مَاتَ لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْوَلَدْ أَوْ اثْنَانٌ وَصَبَرَ وَاحْتَسَبْ كَذَلِكَ هَذَا مِنْ أَسْبَابٍ أَوْ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُكَفِّرَةِ لِلذُّنُوبِ. Et pareil, parmi les causes qui font que Allah azza wa jal expie tes péchés, eh bien, c'est celui dont trois ou deux de ses enfants meurent et qui patientent, bien entendu, et qui espèrent la récompense d'Allah Azza wa Jal en cela. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من أولادهما لم يبلغوا الحنث إلا غفر الله لهما كما رواه أحمد والنسائي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Ici le prophète صلى الله عليه وسلم d'après Abi Dharr, il dit: il n'y a pas deux musulmans, yani un couple, un homme et une femme, dont trois de leurs enfants meurent sans avoir atteint les grands péchés, sans qu'Allah Azza wa Jal ne leur pardonne à tous les deux. Le hinth, c'est les grands péchés. Wa an Abi Hurayra radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. Regardez, سبحان الله. Prophète صلى الله عليه وسلم, il dit: il n'y a pas une d'entre vous qui ne perd pas trois enfants et qui espère en cela la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'elle ne rentre au paradis. فقالت امرأة. Alors il y a une femme, puisque Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici s'adressait aux femmes. Il y a une des femmes, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit: aw ithnayn ya rasul Allah, et deux au messager d'Allah. On peut sous-entendre que ça se trouve qu'elle avait deux enfants qui sont morts. Et deux, est-ce qu'on a la même récompense? Qala aw ithnayn. Après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: ou deux. Trois ou deux. Hein, s'il y a trois enfants ou deux enfants qui sont morts et que tu patientes et que tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cela, eh bien Allah azza wa jal te fait entrer au paradis. وكذلك من عالى ثلاث بنات او اخوات واحسن اليهن فقال او فعن عقبه ابن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته كن له حجابا من النار يوم القيامة. Également, celui qui a entretenu, parmi les causes, celui qui a entretenu trois filles ou trois sœurs et qui a été bienfaisant avec elles. Et regardez l'islam, comment il est bienfaisant avec la femme. Bien avant, tout le monde. C'était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains ils prétendent que l'islam c'est un retour en arrière et c'est de l'obscurantisme, etc., etc. Alors que l'islam, bien avant, beaucoup de nations, beaucoup de peuples, eh bien, il invite justement à être bienfaisant envers la femme. Ici, c'est les filles qui sont spécifiées. C'est les filles qui sont spécifiées. Et celui qui entretient quoi? Trois filles ou trois sœurs. Et ce qui prouve aussi que la femme, elle est honorée en islam, il y a une sourate qui porte le nom des femmes. Al-Nisa, les femmes. Est-ce qu'il y a une sourate qui porte le nom des hommes? Il n'y a pas. Il y a l'insan, l'être humain, qui englobe l'homme et la femme. Mais il n'y a pas l'homme ou les hommes. Mais la femme, elle porte une sourate qui est spécifique, les femmes. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Et regardez comment l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il prend soin de la femme. فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثَةُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنْ وَسَقَاهُنْ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il dit: celui qui a trois sœurs, trois filles, et qui patiente avec elles, qui patiente avec elles, et qui les nourrit, et qui leur donne leur boisson, et qui les habille de ses biens, elles seront pour lui un voile contre le feu le jour de la résurrection. sont un voile pour le feu le jour de la résurrection. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد من أمتي يعول ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترا من النار إلا كن له سترا من النار. Prophète صلى الله عليه وسلم dans ce hadith, il dit il n'y a pas une personne de ma communauté qui entretient trois filles ou trois sœurs et qui est bienfaisant envers elles sans qu'elle ne soit pour lui un voile contre le feu. Vous voyez comment l'islam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoignent d'être bienfaisants envers les sœurs, hein, envers nos filles et envers les femmes de manière générale. Wa kadhalik min al-asbab al-mukaffira lidh-dhunub al-dhabb 'an 'ird al-muslim. Al-dhabb 'an 'ird al-muslim. Et parmi également les causes qui expient les péchés, c'est le fait de défendre l'honneur de ton frère musulman. L'honneur de ton frère musulman. An Abi Darda رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. Prophète صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui défend l'honneur de son frère, Allah subhanahu wa ta'ala protégera son visage du feu le jour de la résurrection. Protégera le visage du feu, son visage du feu le jour de la résurrection. Et celui, si tu défends l'honneur de ton frère, tu entends des gens parler sur ton frère en mal, médire, calomnier, et que tu défends son honneur, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il te protégera et préservera du feu le jour de la résurrection. Mais malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est tout le contraire. Quand on entend, eh bien, on surenchérit. On entend et on surenchérit. C'est pas on défend, on rajoute. Alors que le fait de rajouter, de surenchérir, eh bien, c'est un grand péché. Tu rentres fil riba un namim. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enjoint le contraire. Il faut défendre l'honneur de ton frère, lui trouver des excuses. Lui trouver des excuses. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala te préservera le jour de la résurrection et fera ou préservera ton visage, hein, du feu le jour de la résurrection. Sallallahu azza wa jalla an yahfadhana wa an yuslih amrana. Wa kadhalika min al-asbab al-mukaffira lidh-dhunub husn al-khuluq. Husn al-khuluq, le bon comportement, ayyuha al-ikhwa. C'est une des causes, hein, qui fait que Allah Azza wa Jal pardonne tes péchés et te préserve. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان سهلا هينا لينا حرم الله أو حرمه الله عز وجل على النار كما رواه الحاكم. Prophet صلى الله عليه وسلم, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui est facile à vivre, celui qui est paisible, celui qui est doux. Et tout ça, ça fait partie du quoi? Du bon comportement. Du bon comportement. Allah Azza wa Jal l'interdira au feu. Il sera interdit. Il n'aura pas le droit de rentrer au feu, en enfer. Wa qala kadhalika ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam inna min mujibati al-maghfira badhl al-salam wa husna al-kalam. Wa husna al-kalam. Ce qui rend obligatoire le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, la propagation du salam, le fait que tu propages le salam, tu dis à ton frère salam alaykoum. C'est pas quelqu'un qui passe devant toi, un musulman, et tu le regardes mal en plus. Non, tu propages le salam, que tu le connaisses ou que tu le connaisses pas. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et également la bonne parole. Hein? Également la bonne parole, pas la parole qui blesse ou qui fait mal. Il faut dire de bonnes paroles. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Et dites aux gens de bonnes paroles. Dites aux gens le bien. Et ça, ça fait partie des choses, eh bien, qui sont demandées en islam. Et ça fait en sorte, eh bien, que ça rend obligatoire le pardon d'Allah Azza wa Jal pour toi. Tu ne sais même pas. Juste tu dis une bonne parole, Allah Azza wa Jal te pardonne. Juste tu propages le salam, Allah Tabaraka wa Ta'ala il te pardonne. Donc, il ne faut pas prendre les choses comme étant des choses qui sont insignifiantes. Mais Allah Azza wa Jalla, وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Pensez qu'elles sont insignifiantes pour Allah alors qu'elles sont importantes pour lui. Hein? Pensez qu'elles sont insignifiantes alors qu'elles sont importantes pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas négliger le bien. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, hein, la tahqiranna min al-ma'roufi shay'a. Hein, ne dénigre rien du bien. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. Ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage réjoui et souriant. Donc tout ça, ça fait partie des choses qui font que Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. وَكَذَلِكَ مِنَ الْأَسْبَابِ الْمُكَفِّرَ لِلذُّنُوبِ الْمُكْثُ فِي الْمَسَاجِدِ بَعْدَ الصَّلَوَاتِ وَالْمَشْيُ عَلَى الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَاتِ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ. Parmi également les causes qui font eh bien qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés, c'est le fait de rester à la mosquée après les prières et de marcher avec tes pieds vers les lieux de regroupement où est-ce que les musulmans se regroupent pour leur prière. Et également accomplir les ablutions dans les difficultés. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفارة أو كفارات الخطايا إسباغ الوضوء على المكاره وإعمال الأقدام إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. Il dit ceux qui expient ou les expiatrices des péchés et des erreurs, c'est accomplir les ablutions lors de la difficulté, quand il fait froid, مثلا. Quand il fait froid, par exemple. Hein? Bien les faire. N'oubliez aucun endroit. Et également le mouvement des pieds jusqu'au lieu de prière. Et l'attente d'une prière après une autre. Tu attends la prière après l'autre. Ça, ça fait partie des causes eh bien, qui font qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés et expie tes péchés. وكذلك من الأسباب المكفرة للذنوب الذكر دبر كل صلاة. الذكر دبر كل صلاة. Le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal après chaque prière. Ça, ça fait partie des causes qui font que Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح لله أو من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, celui qui glorifie Allah après chaque prière 33 fois et qui loue Allah 33 fois et qui fait takbir, yani glorifie Allah azza wa jal 33 fois, ceux-ci sont 99. Hein? Celles-ci sont 99. Wa qala tamam al-mi'a. Et lors de la centième fois, il dit la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd. وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. Prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, celui qui dit à la centième fois لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير, eh bien ses péchés sont pardonnés même s'ils atteignent l'équivalent de l'écume de la mer. Ça, juste après la prière. Hein, 33 fois subhanallah, 33 fois alhamdulillah, 33 fois Allahu Akbar, et à la centième fois tu dis cette formulation, Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes erreurs et tes péchés, hein, tes erreurs et tes péchés même s'ils atteignent l'équivalent de quoi? De l'écume de la mer. Wa kadhalik al-hajj al-mabrur. Et parmi les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés, c'est le hajj, le pèlerinage sincère, pur. Pur, c'est-à-dire comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Khudhu anni manasikakum » Prenez de moi vos rituels, yani du pèlerinage. « Fa'an Abi Huraira, radiyallahu anhu wa ardah, qala man hajja lillahi falam yarfuth, walam yafsuq, raja'aka yawmi waladathu ummuhu, raja'aka yawmi waladathu ummuhu kama ja'a 'inda al-Bukhari » En fait, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est lui qui accomplit le pèlerinage pour Allah. Ça, c'est la première des conditions. Sincèrement. Pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Ikhlas. Falam yarfuth. Falam yarfuth. Arrafath. Vous savez, c'est quoi, arrafath? Arrafath, c'est les rapports sexuels. Rapports intimes. Il n'a pas de rapport intime avec son épouse. Walam yafsuq. Et qui ne commet pas de péché. Il revient comme le jour où sa mère l'a enfanté, c'est-à-dire sans péché. Sans aucun péché propre. Vous vous rendez compte de la récompense énorme. Wa an Jabir radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam adimu al-hajj wal-umrah fa innahuma yanfiyan al-faqr wadh-dhunub kama yanfi al-kir khabath al-hadid. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, faites suivre entre le hajj, le pèlerinage et la umrah. Car ils éliminent la pauvreté et les péchés. Comme le soufflet élimine les impuretés du fer. De là, on voit que le fait eh bien, de faire l'umrah ou le hajj, eh bien, c'est quelque chose qui est une cause, justement, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Wa kadhalik, mashu. الحجر الأسود والركن اليماني également ce qui fait Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés c'est le fait d'essuyer la pierre noire et le coin yéménite فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le fait d'essuyer la pierre noire et le coin yéménite efface les péchés. Efface les péchés. Bon, maintenant c'est un petit peu dur. Hein. À l'heure actuelle, c'est un petit peu dur de toucher la pierre noire parce qu'il y a un attroupement devant. Mais il y a quelques années, au début des années 2000 par exemple, on pouvait le toucher. Même si c'était aussi un petit peu dur, mais c'était moins qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pratiquement impossible. À moins que tu veuilles te battre dans le haram. Mais sinon, c'est pratiquement impossible. Wa kadhalik l'ijtima' ala dhikrillah tabaraka wa ta'ala. Parmi également les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, c'est le fait de se réunir. Sur l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an Sahl ibn Hanzalah ou al-Hanzaliya radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mashtama'a qawmun ala dhikrin fatafarraqu anhu illa qila lahum qumu maghfuran lakum maghfuran lakum. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il n'y a pas un groupe de gens qui se réunit sur l'évocation et qui se séparent sur l'évocation sans qu'il ne leur soit dit, levez-vous, vous êtes pardonné. Levez-vous, vous êtes pardonné. Demande Allah Azza wa Jal qu'il fasse que justement, eh bien, ce genre d'assises soit parmi eh bien, ce genre de regroupement. Où est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés. Wa anhu radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله عز وجل فيه فيقومون حتى يقال لهم قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت لا يقتصر يعني بالتكفير الذنوب ولكن قال وبدلت سيئاتكم حسنات. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'y a pas un groupe de gens qui se sont assis à une assemblée, qui évoquent Allah azza wa jal lors de cette assemblée, et qui se lèvent jusqu'à ce qu'on leur ait dit « Levez-vous » sans qu'Allah azza wa jal ne leur pardonne leurs péchés, et pas seulement que ça, et qu'il leur change leurs péchés en bonnes actions, subhanallah. Vous vous rendez compte? Le bienfait énorme des assises d'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne s'arrête pas juste à effacer les péchés ou à les pardonner. Également, ces péchés ils sont transformés en quoi? En bonnes actions. En bonnes actions. Et certains, eh bien, ils laissent passer cette énorme récompense. Et ils n'assistent jamais au cours, au rappel, ou aux endroits où est-ce qu'on évoque Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont privés d'une énorme récompense. وقول سبحان الله وبحمده مئة مرة كذلك من الأسباب المكفرة للذنوب فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر également le fait de dire سبحان الله وبحمده 100 fois comme c'est rapporté dans le hadith du prophète صلى الله عليه وسلم qui est muttafaq alayh, Bukhari wa Muslim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui dit subhanallahi wa bihamdihi 100 fois par jour sera pardonné de tous ses péchés, même s'ils sont équivalents à l'écume de la mer. Le fait de dire subhanallahi wa bihamdihi 100 fois, wallahi, ça ne te prend même pas 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, allez, maximum. 5 minutes maximum. Tu le dis 100 fois. Et Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne tes péchés. Il n'y aura pas meilleur que toi. Si ce n'est celui qui a dit plus que toi. Vous vous rendez compte? Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des choses faciles. Et nous, des fois, on perd notre temps à sortir notre langue dans des choses qui ne sont pas utiles. Au contraire, elles sont néfastes. Au lieu, justement, de profiter de notre temps dans des choses qui nous seront utiles et qui feront que Allah Azza wa Jal pardonne nos péchés et qui nous font entrer au paradis. وقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Et cette parole également. فعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها. فصلى الله عليه وسلم دي le fait de dire سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر époussette les péchés, c'est-à-dire elle se débarrasse. Hein, ça fait que tu te débarrasses de tes péchés comme un arbre qui se débarrasse des feuilles. Aussi facilement qu'un arbre qui se débarrasse de ses feuilles quand le vent, hein, il le tape. Juste le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Juste ça. Et nous, comme je vous ai dit, bien nos langues, pour parler dans le vide, là, tout le monde est là, tout le monde est présent, premier rang. Mais pour parler dans les choses utiles et bénéfiques, il n'y a plus personne, ou très peu. Sallallahu alayhi wa sallam, salam al-afir. Wa kathalik, min al-asbab al-mukaffira lil-dhunub, ta'limun nasi al-khayr. Ta'limun nasi al-khayr. Parmi les causes également qui font qu'Allah Azza wa Jal pardonne les péchés, le fait d'apprendre aux gens le bien. Quand tu apprends aux gens un bien, Allah subhanahu wa ta'ala, il te pardonne tes péchés. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته حتى النملة في حجرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. Prophète صلى الله عليه وسلم dit, certes, Allah عز وجل et ses anges, même la fourmi dans son fourmilier, une fourmi, hein, la fourmi dans son fourmilier, même le poisson en pleine mer, elle prie sur celui qui apprend le bien aux gens. Elle prie dans le sens qu'elle implore le pardon. وكذلك مرض الإنسان وصرعه منه également parmi les causes qui font qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés, la maladie. Quand la personne elle est malade, hein, et les symptômes également de la maladie. Si la personne, bien entendu, patiente et espère la récompense d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et de sabr al-insan wa ihtasab. فعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ابتلى الله عز وجل إذا ابتلى الله سبحانه وتعالى العبد المسلم ببلاء في جسده قال الله اكتب له صالح عمله الذي كان يعمله. regardez ce hadith. Fait صلى الله عليه وسلم, il dit, si Allah عز وجل éprouve le serviteur musulman d'une épreuve dans son corps, Allah Azza wa Jal, il dira à l'ange qui écrit, Oktub, écris ces bonnes œuvres qu'il faisait. Écris ces bonnes œuvres qu'il faisait quand il était en bonne santé. Fa in shafahu, ghassalahu wa tahara. Si Allah Azza wa Jal le guérit, il l'aura lavé et purifié de quoi? De ses péchés. Hein? Donc de là, on voit que la maladie, eh bien ça, c'est une cause de pardon, une cause d'expiation des péchés. Wa in qabadahu ghafara lahu wa rahima. Et si Allah Azza wa Jal le reprend, il reprend son âme lors de cette maladie, il lui sera pardonné et il lui sera fait miséricorde de par l'intermédiaire de quoi? De cette maladie. Regardez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an Shaddad ibn Aws قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا. Et ça c'est spécifique aux croyants, aux musulmans, hein. Ce hadith précédent, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit إذا ابتلى الله العبد المسلم, si Allah عز وجل éprouve le serviteur musulman qui croit en Allah عز وجل, en son messager, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier, au destin bon ou mauvais. Et dans ce hadith, il dit, Allah Azza wa Jal, si j'éprouve un serviteur parmi mes serviteurs croyants, فَحَمَدَنِي وَصَبَرَ عَلَى مَا ابْتَلَيْتُهُ بِهِ, et que ce serviteur me loue et qu'il patiente vis-à-vis de l'épreuve que je lui ai donnée, فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. Regardez. Il se lèvera de son lit, yani quand il sera rétabli بإذن الله عز وجل, comme le jour où est-ce que sa mère l'a enfanté. Hein? C'est-à-dire sans péché. Hein? Sans aucun péché il se lèvera. Si il loue Allah عز وجل et il patiente. ويقول الرب تبارك وتعالى يا الله عز وجل كيس كيل دي il dit سبحانه وتعالى للحفظة إني أنا صبرت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له من الأجر قبل ذلك وهو صحيح. يا الله سبحانه وتعالى il dira aux anges, hein, qui préservent l'être humain, qui préserve l'être humain, comme vous savez, il y a des anges qui préservent l'être humain, hein, devant et derrière. Et quand ce qui lui a été écrit doit, ce qui lui est écrit et ce qui lui est destiné doit arriver, il s'enlève et il laisse la destinée s'accomplir, ce qu'Allah Azza wa Jalla a destiné. Sinon, il te protège. Hein, si Allah Azza wa Jalla t'a pas écrit une chose, eh bien, il te protège de cette chose par la volonté d'Allah Azza wa Jalla. Mais si ta destinée, ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit, doit arriver, il s'enlève. Et il laisse la destinée arriver. Al-Muhim, ça c'est Fibab al-Qadha wal-Qadar. Al-Kulli-Hal, ici, Allah subhanahu wa ta'ala il dit aux anges, hein, qui te préservent, c'est moi qui ai fait patienter mon serviteur et qui l'ai éprouvé. Écrivez-lui ce que vous lui écriviez comme récompense avant cela quand il était en bonne santé. Quand il était en bonne santé. C'est-à-dire que le malade, quand il est malade, il lui écrit ce qu'il faisait comme récompense en bonne santé, comme s'il était en bonne santé. C'est pour cette raison que il faut profiter de sa santé. Si tu es en bonne santé, hein, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, profite de ta bonne santé avant ta maladie. Hein, profite de 5 choses avant 5. Hein, de ta bonne santé avant ta maladie. Hein. Et c'est pour cette raison que si tu en profites, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'écrire ce que tu faisais quand tu étais en bonne santé. Mais si tu faisais rien, qu'est-ce qu'il va t'écrire? Si tu courais après Dounia, qu'est-ce qu'il va t'écrire? Il faut faire des bonnes actions. Il faut adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Se lever la nuit. Hein, jeûner. Hein, se rapprocher de son Seigneur tabaraka wa ta'ala. Comme ça, si tu tombes malade, Allah azza wa jal, il va te l'écrire. Allah subhanahu wa ta'ala, il va te l'écrire. Wa kadhalik, التوحيد من الأسباب المكفرة للذنوب التوحيد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة. Tawhid. Le tawhid, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Nabi Dhar, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, celui qui fait une bonne action, il aura 10 bonnes actions équivalentes ou plus. Et celui qui fait une mauvaise action, elle demeurera en l'état. Elle demeurera en l'état. Et celui qui fait la distance, hein, de la terre en péché et qu'il me rencontre sans rien m'associer, je lui donnerai l'équivalent en pardon. Regardez le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le pardon d'Allah azza wa jal, il a devancé sa colère. Le pardon d'Allah azza wa jal, al-maghfira, elle a devancé sa colère. Wa kadhalik khashyatullah azza wa jal wa shukruhu wa tawakkul alayhi ومراقبته والحياء منه. Également parmi les causes qui font que Allah Azza wa Jal pardonne nos péchés, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal, le fait de le remercier, le fait de s'en remettre à lui, le fait de se sentir surveillé par son Seigneur Tabaraka wa Ta'ala et le fait d'être pudique envers Allah Azza wa Jal. يقول الله عز وجل إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر عظيم. Allah Azza wa Jal dit, certes ceux qui craignent leur Seigneur dans l'invisible, eh bien ils auront un pardon et une énorme, une grande récompense. وَكَذَلِكَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ وَالصَّلَاتُ بِالنَّاسِ وَالصَّلَاتُ بِالنَّاسِ. L'appel à la prière, l'appel majeur, on va dire ça comme ça, et l'appel mineur, الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ, et le fait de guider les gens en prière. Il y a dans cela une énorme récompense et un pardon. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Écoutez, subhanallah. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit, إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ. وَالْمُؤَذِّنُ يُغْفَرُ لَهُ مَدَّ صَوْتِهِ. Allah Azza wa Jal et ses anges prient sur le premier rang. Et le muezzin, Al-Mu'adhdhin, il lui est pardonné la portance de sa voix. Hein? Jusqu'à où sa voix porte, il lui est pardonné. وَيُصَدِّقُهُ مَنْ سَمِعَهُ مِنْ رَطْبٍ وَيَابِسِ. Et le rendra véridique ceux qui l'ont entendu, hein, que ce soit des matières souples ou solides, tout ce qui entendra l'adhan du Mu'adhdhin rendra véridique son appel. وَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ صَلَّى مَعَهُ. Et regardez, le muadhdhin, il aura la même récompense que ceux qui ont prié avec lui. Tous ceux qui ont prié avec lui, le muadhdhin, il aura la même récompense qu'eux. Vous rendez compte les bienfaits de l'adhan? Il y en a qui veulent fuir de l'adhan. Hein? Je veux pas faire l'adhan. Non, je veux pas faire l'adhan. Oh, tu me mets pas dans la liste. Hein? Alors que regardez la récompense. Tu fais l'adhan, tu pries, tous ceux qui ont prié avec toi, tu auras la même récompense qu'eux. Vous vous rendez compte? Et tous ceux qui t'ont entendu, ils témoigneront pour toi le jour de la résurrection. Et également, il te sera pardonné jusqu'à où porte ta voix. Regardez le bienfait de l'adhan. Hein? Le bienfait de l'adhan. Wa an Abdillah ibn Umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أذن ثنتي عشرة سنة وجبت له الجنة. Et regardez, d'après Abdullah ibn Umar, le prophète صلى الله عليه وسلم, il dit, celui qui a fait l'adhan 12 ans, il sera obligatoire de rentrer au paradis. وكتب له بتأذينه في كل يوم 60 حسنة. Il lui sera écrit de par son adhan, tous les jours, 60 hasana. Et le hasana, elle est multipliée par 10, c'est plus, jusqu'à 700. Et plus encore. وَلِكُلِّ إِقَامَ 30 حَسَنَةً. Et pour chaque iqama, hein, il appelle mineur, il aura 30 hasanat. Vous vous rendez compte? Le bienfait de l'adhan. Les gens, ils ne se rendent pas compte, je crois. Les gens, ils ne se rendent pas compte de l'adhan. Et il faut savoir que l'iqama, hein, comme certains mashayikh y voient, l'iqama, elle a le même hukm que l'adhan, c'est-à-dire que tu répètes. Hein? Comme tu répètes pour l'adhan, tu répètes pour l'iqama. Hein? Comme tu répètes pour l'adhan, tu répètes pour l'iqama et tu fais la même invocation à la fin. Et tu fais la même invocation. Quoi kadhalik, ijtinab al-kaba'ir. Ijtinab al-kaba'ir. Le fait est bien de délaisser les grands péchés. C'est une des causes qui fait qu'Allah Azza wa Jal te pardonne tes péchés. Yaqulu Allah Azza wa Jal, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah Azza wa Jal fi sourate An-Nisa, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si vous délaissez les grands péchés qui vous ont été interdits, on expiera vos erreurs. Ça prouve que si tu délaisses les grands péchés, Allah Azza wa Jal, il t'expie tes petits péchés. وكذلك رحمة الحيوان. Le fait de faire miséricorde aux animaux. Eh bien, c'est une cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala te pardonne quoi? Tes péchés. Te pardonne tes péchés. فجاء في صحيح البخاري مرفوعا غفر لامرأة مومسة مرت بكلب على رأس ركي يلهث فنزعت خفها فوثقته بخمارها. Regardez ce hadith. Ce hadith, c'est une femme qui a été pardonnée, une prostituée. Une prostituée à qui on a pardonné. Pourquoi? Parce qu'elle est passée devant un chien, hein, qui tournait autour d'un puits en train d'haleter. C'est-à-dire il avait soif. La langue, elle était pendante, il avait soif. Alors qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé sa chaussure. Et elle a attaché à son khimar, son voile, elle a descendu dans le puits, et elle a ramené dans son chausson de l'eau, et elle a donné à ce chien qui avait soif. فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكِ. Allah Azza wa Jal lui a pardonné. Et dans des versions, elle est rentrée au paradis. Et ce hadith, il montre l'étendue de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. ورحمتي وسعت كل شيء كما قال الله عز وجل. Ma miséricorde embrasse toute chose. Et également, ça montre, ce hadith, il montre le sens de la parole d'Allah عز وجل. إن الحسنات يذهبن السيئات. Les bonnes actions effacent les mauvaises. Elle faisait des mauvaises actions, elle faisait la fornication. Hein? Elle faisait la fornication. Et donc, cette bonne action, elle lui a effacé ses mauvaises actions. Et également, dans ce hadith, il y a une réplique à Al-Khawarij, qui exclut le musulman de la sphère de l'islam à cause d'un péché. Hein? Ici, elle rentre au paradis. Hein? Alors qu'elle faisait un grand péché. Et également, ce hadith, il affirme la caractéristique d'Allah Azza wa Jal qui est le pardon. Hein? Contrairement à Mu'attila. Et également le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a institué la bienfaisance envers les animaux. Hein? Envers les animaux, Allah subhanahu wa ta'ala, l'islam, il a instauré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné l'ihsan, la bonté dans toute chose. Et également, ce hadith, il prouve que une bonne action, aussi infime et aussi petite soit-elle, elle peut être une source de grande récompense. La juste, elle a fait quoi? Elle a donné de l'eau à boire à un chien. Hein? Elle a juste donné de l'eau à boire. Il rapportait dans un hadith que vous connaissez tous, il y a qu'un homme il marchait, hein, il rapportait dans Sahih Bukhari, parce qu'un homme marchait yani, sur la route, il a trouvé une branche épineuse qu'il a écartée. Allah subhanahu wa ta'ala, il a récompensé en quoi? En pardonnant ses péchés. Donc, des fois, il y a des choses qui sont insignifiantes, mais Allah subhanahu wa ta'ala en donne une énorme récompense. Et également, il y a dans ce hadith une preuve qu'il ne faut jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Jamais désespérer de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que son pardon et sa miséricorde, elles ont précédé sa colère. Comme c'est rapporté dans le hadith authentique. Et également, ce hadith éprouve la gravité de la fornication et son caractère illicite et interdit. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا » Et n'approchez pas la fornication, en vérité c'est une turpitude et un mauvais chemin. Et également, ce hadith il prouve le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il couvre de sa miséricorde ceux qui sont miséricordieux envers les autres. Pourquoi? Parce que il est rapporté dans les deux authentiques, Bukhari ou Muslim, et dans d'autres recueils, dans d'autres ouvrages, d'après Oussama ibn Zayd. Hein? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Allah azza wa jal fera miséricorde à ses serviteurs miséricordieux. Et également ce hadith, il prouve la légalité. De quoi? De se taire sur le nom de la fornicatrice et le fornicateur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas mentionné son nom à la fin. Pourtant, il a vécu avant. Il aurait pu le dire. Hein? Il aurait pu le dire ou non? Il aurait pu le dire. Son nom, le nom de son père. Hein? Mais ça prouve que il est légal de taire le nom. Hein? Alors que nous, des fois, on nous rapporte une histoire. Un tel il a fait ci, une telle elle a fait ça. Et on propage ça, le nom, l'adresse. Ils mettent maintenant sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Hein? Et ils ne sont même pas sûrs. Et ils ne sont même pas sûrs que la personne ait fait ça ou pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Allah azza wa jal, yani le prophète il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a pardonné à une prostituée. Il n'a pas cité son nom. Ni celui de sa tribu hein, à laquelle elle appartenait. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun intérêt dans cela. Hein? Donc la personne, elle voit, s'il y a un intérêt, hein, une chose, elle le fait. S'il n'y a aucun intérêt, elle se tait, elle dit rien. Elle n'a pas rajouté plus. Il y a maintenant des gens qui parlent plus qu'il ne faut. S'il y a une chose à dire bonne, tu l'as dit. S'il n'y a aucun intérêt à ça, eh bien tu te tais. Et tu nous épargneras de tes effets néfastes. Et on va terminer بإذن الله تعالى وقال الرسول صلى الله عليه وسلم من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. Également, le prophète صلى الله عليه وسلم il dit celui qui fait miséricorde ne serait-ce qu'en sacrifiant un oiseau, un petit oiseau, eh bien il sera fait miséricorde le jour de la résurrection. Et également, parmi les causes qui expient les péchés, le fait de faire des bonnes actions après les péchés, même si c'est un grand péché. فقال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئه الحسنه تمحوها. et fait suivre la mauvaise action par une bonne, elle l'effacera. Ça, ça englobe les grands et les petits péchés. Et on va terminer là, bi'idhnillahi ta'ala. وَكَذَلِكَ عَمَلُ الصَّالِحَاتِ. Ce qui fait Allah Azza wa Jal expie tes péchés, c'est le fait de faire de bonnes actions. Allah Azza wa Jal, il dit وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ. Allah Azza wa Jal, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a promis à ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. فهذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك désolé pour avoir allongé عصام